وهل تعرف مكان إدارة الجميعة؟ Est-ce que tu connais le lieu de la direction de l'université? نعم. كم تكلف رحلته إلى هناك؟ Combien coûte? Donc là, les halas, par contre, on va traduire par un vol. C'est une voiture. La course. La course. Voyez. Combien va coûter la course vers là-bas, il est à Hunak? 20 riyal. Ce qu'il a dit, c'est correct. En fait, il y a un verbe enlevé, c'est un mot bid, un verbe enlevé. Il y a un takdir. أي الرحلة تكلف 20 ريالا. Ça m'a fait bim. Le verbe il n'a pas répété. Vous voyez? À la base c'est الرحلة تكلف 20 ريالا. Écoute, 20 ريال. Mais il ne le répète pas. Il te dit 20 ريالا مباشرة. Directement. Donc là il est vraiment moussoul pour de vrai. Inch'Allah, tu ne trouves pas d'erreur de narco dans ce livre. Inch'Allah. Peut-être des erreurs d'imprimerie, mais sinon ils sont là pour t'enseigner à bien parler. Tu vois qu'ils vont arriver, ils vont te parler comme les gens dans la rue. 20. Aïe. Mais nous, on avait dit que c'était Aïchron. Quand il est Marfour. Mais là, il n'est pas Marfour, il est Mansoub. Ah, ouais. Vous voyez, donc il prend un Ya. Donc il dit 20 riyal. Hassanan, Sirfi Riyalati Allah. Très, très bien. Roule sur la protection d'Allah. Avance ou va, ou on y va, tu vois. La chose qu'il veut dire, il roule. Ah non. طيب مفهوم النص؟ نعم. يقول أولا استمع وردد. يقول أي مطعم تريد. Donc là on a mis une fatha sur le أي. أي ça veut dire quoi là bas؟ نعم. Et derrière lui ça vient Moudofilei. C'est pour ça que Mathamin, il a une kasra. À la base, le vrai truc, c'est Touridou Ey Mathamin. C'est pour ça qu'il fatasse que ça m'a foulbi. Et là, ils l'ont mis devant le verbe. Moukaddam. Mais à la base, ils sont arrivés après le verbe. On choisit, en fait. Non, ça, c'est plus littéraire. C'est comme ça que. Quand c'est une question, quand c'est une question, le ism istifham, le nom de l'interrogatif, il est toujours en début de phrase. نعم. Donc quel restaurant veux-tu? ثانيا اي طعام تتناول. Quel repas prends-tu? ثالثا اي فاكهة تفضل. Quel fruit préfères-tu? فضل يفضل c'est préféré. فضل يفضل ça veut dire préféré. فضل كذا je préfère telle chose. Ayez asirin tashrabu. Quel jus bois-tu? Asir, c'est du jus. Ayez dersin takra'u. Quel cours lis-tu? Sadisan. Ayez dersin taktubu. Quel cours écris-tu? Sabi'an. Ayez kitabin turidu. Quel livre veux-tu? طيب ثانيا يقول اجيب كما في النموذج réponds comme dans l'exemple. Il dit اي طعام تريد entre parenthèses il met طعام تاكل donc tu dois dire quoi اي طعام تاكل quel nourriture manges-tu quel aliment manges-tu donc là vous faites pareil avec les autres phrases par exemple la première phrase dit كتاب تفضل qu'est-ce que tu vas dire أي كتاب تفضل. طيب الجملة الثانية والفرنسية شوية في الفصل الرابيد. ثانية عندك. عصير تشرب. تشرب. أيوة. أي عصير تشرب. نعم. ثالثا. أي بلد تزور. À quel pays visites-tu؟ رابعا. أي عشيرة تتخرج تستخرج نعم

Inch'Allah, hein, jusqu'après que je me trompe. Voilà. C'est pas grave, de toute façon, c'est une lecture. Amen. Wasala Mahmoudoun il al-Matar. Donc Mahmoud est parti. Et allez, est parti. Wasala est parti. Non. Wasala, ça veut dire quoi, Wasala? Ah, arrivé. Non. Mahmoud est arrivé à l'aéroport. Non. Arada Mahmoudoun an yadhaba ila al-sakan al-jami'i. Tarjim hada walan, traduis ça, hein. أراد يريد محمود a voulu نعم a voulu partir vers la résidence universitaire. Donc en fait Mahmoud a voulu se rendre, a voulu aller. En tout cas le script dit c'est correct. Ah, ensuite فذهب إلى موقف سيارة سيارة الأجرة نعم et il est parti. Là le fait on le traduirait par alors. Alors il est parti dans le stationnement des enfin le parking des taxis. نعم. Il est parti vers le parking de taxi. Sa'ala Mahmoudoun Sa'iq. Sa'ala Mahmoudoun Sa'iq. Hal ta'rifu sakan al-jami'i. Mahmoud a demandé au chauffeur: est-ce que tu connais la résidence universitaire? Fa'ajaba Sa'iq. Sa'iqou la arifou. Et la réponse du chauffeur. Donc le chef a répondu. Le chauffeur a répondu. Mm-hmm. Non, je ne connais pas. Talaba Mahmoudoun min as-sa'iqi an ya'khudaha ila ida. Ya'khudaha? Non. An ya'khudaha. C'est où? Non. Ah, non. C'est où ils ont fait une erreur. C'est une erreur d'imprimerie, ça. Même Fatah, c'est une dhamma. An-yakhudahu. An-yakhudahu. An-yakhudahu ila idarati al-jami'ati. Jami'ati. Mahmoud a désiré du chauffeur qu'il le prenne. Non. Vers le. Direction. Vers la direction. Là, c'est pas direction dans il c'est pas direction le lieu où tu vas, c'est la direction là où il y a le directeur. La direction de tel truc, la direction de tel truc, c'est là où il y a le directeur. Il est dans les mots de. Ah, c'est la direction. Non, c'est la direction là où il y a le mot, là où il y a le directeur. Ah, il est dans le c'est ça. Non. Ah ouais, ça. Moi, je. Elle nous a piégé là. Direction. Parce que direction, comment on dirait, elle n'est pas la même direction. Ah. Direction Ishara. Ça dépend. En fait, par une direction, souvent ils appellent ça Ishara Tumburo, truc de circulation, chose comme ça. En tout cas, là, Idara, c'est direction. Comme un moudir, un directeur. Ouais, c'est même ce mot-là. Direction. أيوة بقية الجملة كيف الفاز نعم ولما وصل محمود دفع الأجرة وشكر سيقا Et après, on va dire, et après que ça joue comme ça, c'est drôle. Il y a plusieurs des lamas, celui-là c'est après que.